mets du bleu à tes yeux, je suis amoureux. Du rouge à tes lèvres me donne la fièvre et la nuit j'en rêve. Ta jolie poitrine et ta taille fine font vibrer mon cœur. Ton rire enchanteur, doux comme une fleur, me donne du bonheur. Quand tu prends ton bain, je suis aux petits soins. J'aime ton parfum, ça me rend coquin. Le secret à deux, c'est d'être joyeux et l'on est heureux. En aimant la vie, tout nous réussit, c'est le paradis. Toujours là, c'est vrai? Eh ben, dites-moi, si vous êtes toujours là, nous allons tout simplement continuer. Fou de Corfou, je suis tombé amoureux, fou de Corfou. Quand le voilier a jeté l'ancre dans le bleu de l'été. Tant de lumière éblouissait les maisons blanches et toute la mer. Quel privilège, c'est beau comme un rêve sur terre. Il y a des secondes qui durent des siècles. Dans ce pays béni des dieux, là-bas l'amour est une fête, car tout le monde est amoureux. Tout plein d'enfants sont venus à notre rencontre en chantant. Ils ont joué les pieds dans l'eau comme les enfants du Pirée. Ils ont formé une ronde immense autour de nous et ils ont dansé. Quel privilège, c'est beau comme un rêve, mais vrai. Il y a des secondes qui durent des siècles. Dans ce pays béni des dieux, là-bas l'amour est une fête, car tout le monde est amoureux. J'ai une tendresse particulière, des regards qui donnent tout. Je resterai ma vie entière un amoureux fou de Corfou. Je resterai ma vie entière un amoureux fou de Corfou. C'est comme un jour. l'œil en ripaille. Et de lune en chamaille. Et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour. Ça s'en va, l'amour c'est comme un jour, d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. Comme un jour, ça s'en va, mon amour. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, l'amour. C'est comme un jour, ça s'en va, l'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire du visage d'un. c'est fini. Un beau morceau de guitare que l'on peut tout simplement dénommer Vaya con Dios, ou plutôt My Darling. Voilà, voilà, voilà. Je suis un romantique. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. C'est beau, c'est romantique. Et il le dit, et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Soit notre signe, Capricorne, Balance ou Bélier, dans tous les magasins.

J'écoute l'accordéon parmi les bois, les monts, les vallées et les coteaux fleuris. Il nous joue à travers ses musiques l'écho plainte d'espoir, d'amour, de liberté, de la vie. Face à lui, nos souffrances s'oublient, portées par la mémoire de ses notes de mille ans de vie. Il est bonheur, douceur, il est chaleur, il est dans nos cœurs et personne ne l'oublie. Grâce à lui, nos souffrances s'oublient, portées par la mémoire de ses notes de mille ans de vie. Il est bonheur, douceur, il est chaleur, il est dans nos cœurs et personne ne l'oublie. Eh oui, personne ne l'oublie, encore que, il y a bien encore beaucoup de radios qui ne diffusent pas vraiment de l'accordéon. Hein. On doit être... Une des survivantes qui diffusons un peu d'accordéon, c'est vrai, notamment avec l'ami Michel. Et puis voilà, mais l'accordéon, c'est quelque chose qu'il faut essayer de maintenir et de garder, parce que, non pas qu'il n'y ait pas de la belle musique aujourd'hui, hein, mais on est un petit peu nostalgique, et donc voilà, on pense un petit peu à nos jeunes années. Par exemple, tout simplement. Du bien hein, quand ça s'arrête, parce que c'est du rapide. Bien, je voudrais tout simplement dire un grand merci à Hélène de Champfromier. C'est une fidèle auditrice, bien sûr, et voilà, c'est rare quand dans cette émission, elle n'appelle pas pour tout simplement nous remercier du bonheur qu'on essaye de lui apporter, de vous apporter à toutes et à tous, mais particulièrement pour ce qui concerne Françoise. Et elle me charge tout simplement eh bien, de dire à tous mes collègues, toutes celles et tous ceux qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances, eh bien, de passer d'agréables vacances et surtout, surtout, ne pas oublier de revenir parce qu'elle veut bien encore nous écouter longtemps. Alors, ma chère Hélène, voilà, l'amour, c'est quelquefois, c'est pas quelquefois, l'amour c'est du véritable bonheur. Mais le bonheur, et surtout quand on part en vacances, eh bien, c'est tout simplement parce que on se pose une question. On se pose une question quand on part en vacances. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Merci Hélène, c'est pour toutes celles et tous ceux, les amis, les coopérateurs de la radio qui sont ou qui vont partir en vacances. C'est pour vous les amis. Et puis aussi, ben, c'est aussi un petit peu pour ceux qui restent. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Eh bien, on sera heureux quand tout le monde seront en vacances, tout simplement, n'est-ce pas? Allez, on continue, puisque c'est pas fini. Nous sommes ensemble encore, oulala, encore un bon petit moment. We'll be right back.

in the Mood. Ça vous plaît? C'est beaucoup plus calme. On se fait du mal et puis on oublie qu'on en a trop fait, trop dit. Dans le silence, on se réfugie. Rien n'est jamais vraiment fini. On se déchire, mieux on se détruit. À coups de mots qu'on s'interdit. Puis l'on s'endort après les cris. Comme si rien ne s'était produit. C'est dur de demander pardon. Plus facile de dire je t'aime. Mais quand on en fait un poème, il y a des mots qui ont du bon. Je te demande pardon. Du mal et puis on oublie. Les mots s'effacent avec le temps. Perte de contrôle ou coup de folie. L'amour s'enfuit tout doucement. On se défile, pire on se défie. On n'y croit plus, on est distant. Puis on se joue la comédie en se disant que c'est la vie et tout recommence comme avant. C'est dur de demander pardon, plus facile de dire je t'aime. Mais quand on en fait un poème, il y a des mots qui ont du bon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, car je t'ai fait de la peine. Ah mais je t'aurai bien raison, ça revient toujours au même. C'est dur de demander pardon. Et si tu lis ce poème, tu comprendras que je t'aime. Attends, demander pardon. matin. Trop tôt, tu dors encore. Je pars déjà. Je sais, j'ai tort. Mais si seulement je pouvais revenir en arrière, aimer comme on s'aimait, faire la route à l'envers. Je voulais tout dire avant de partir. Ces mots qu'on dit dans les chansons qui nous font perdre la raison. Je voulais tout dire avant de m'enfuir, que je ne t'oublierai jamais, malgré tout le mal qu'on s'est fait. Je voulais te dire avant de partir ces mots qu'on dit dans les chansons qui nous font perdre la raison. Je voulais te dire avant de m'enfuir. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. C'était ta préférée. cosmos. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes appelle à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Faire l'amour la première fois, je ne veux ce moment. Thank you. l'amour la première fois et ne vivre ce moment qu'avec toi. Quand on s'aime autant que nos cœurs, on ne peut pas attendre d'être vieux. Faire l'amour la première Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, nous sommes dans la douceur, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans le bonheur. Et puis nous sommes aussi dans nos plus belles années. Thank you. te donner l'amour que tous les autres ont voulu te voler. Et que tu gardes mon de toi, en sachant bien qu'un jour tu reviendras vers moi pour te faire pardonner. Et qu'entre elles on pourrait s'aimer. Pour te faire pardonner. Et qu'entre elles on pourrait s'aimer. Allez, la toute dernière pour terminer cette deuxième partie de l'émission. La toute dernière, j'ai dit la toute dernière. Et c'est la plus belle. Il a suffi ce soir de presque rien. Ton prénom, ton regard, tout me revient. C'était le plein été, mes plus beaux jours, et l'univers entier parlait d'amour. Je n'avais pas encore trouvé mon ciel. J'attendais que l'aurore ouvre mes ailes. De tes 20 ans, j'écrivais chaque mot de ton roman. On rêvait d'un bonheur toujours plus grand. On le croyait vainqueur malgré le temps. Et pourtant la rivière des jours nous a pris tout à tout. Plus belle nuit. Et pourtant tout est si près de moi. Le temps n'effacera pas les pages où cet amour avait écrit la plus belle histoire de ma vie. En mémoire du passé et malgré les longues années, tout au fond de mon cœur, pour moi rien n'a changé. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5 et le quart d'heure italien. Thank you. sola donna che amo. Campagnola, ti coprirò di baci, io t'amo. Sei tra i tuoi campi, da fiore in fiore. Tu sei l'amore che vuole il mio cuore. Io t'amo, sei tra i tuoi campi, da fiore in fiore, tu sei l'amore che vuole il mio cuore. Tu sei l'amore che vuole il mio cuore. Ah, c'est pas fini, hein? Non, non, on vient juste de commencer. Ah non, c'est pas fini du tout. Alors là, pour vous dire que c'est pas fini, la preuve, eh bien, la voilà. Avevo una vita davanti, cercavo la strada per me. Fra tutti quei sogni importanti, ho scelto di prendere te. Ricordo le prime promesse e dei primi baci l'ardor, vibranti emozioni e carezze, è la prima volta con te. Il tempo che passa e indietro non torna più, e il cuore ricorda quei giorni di gioventù. È bello amare, amare soltanto te, con te camminare finché il tramonto verrà. Passavi con la bicicletta, io ti rincorrevo ma tu fingevi di avere gran fretta e il cuor mio impazziva per te. Ricordo la piazza e la chiesa, ricordo gli amici del bar, gli sguardi e quei loro sorrisi, ed io un gelosivo per te. Il tempo che passa e indietro non torna più, e il cuore ricorda quei giorni di gioventù. È bello amare, amare soltanto te, con te camminare verrà. te camminare finché il tramonto verrà. Le quart d'heure italien, c'est sur le 91, c'est sur le 102.5, c'est Sorgia FM, c'est le mercredi, c'est le dimanche, c'est le lundi. Città, tra le luci d'or sotto lo splendore della luna, mentre nell'oscurità forse mille cuori cercano in amor la fortuna, e fra i baci più tenaci ogni amante sospira così. Stelle d'oro, vieni con me, che al suon di un organino io ti starò vicino, sempre vicino al cuore. Brillano tutte tremule, stelle languide che sorridono, cantano e ci dicono, su baciatevi con ardor. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna, sotto le stelle d'oro. Tanto bene o mal, se non c'è un fanal, c'è la luna, e nel suo tenue baglior io non cercherò e non amerò più nessuna. Con le stelle sentinelle io ti stringo più forte al mio cuore. Thank you.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Chiesetta di Santa Maria, la casa di tutti noi. È nata al mio paese una chiesetta che porta il nome di Santa Maria. L'ho visitata ieri e m'è piaciuta. Non posso fare a meno di tornare, che m'ha colpito tanto in quella chiesa. Il volto di Maria che ci guarda sembra che ci vuol dire bene arrivati. Son qui per abbracciare tutti voi. Voilà, c'est avec cette très très très belle chanson que l'on se quitte pour mieux nous retrouver. Très bientôt sur le 91, sur le 102.5. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. Ogni fedele sai, Madonna mia, vieni a trovarti per pregare con te. Nemmeno il diluvio può fermarli, vogliono solo star vicino a te. Oggi intorno a me con tutto il cuore. Vous écoutez Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.